Ya, yeah. MECA, l'équipe au complet, Thaibox, Chromie, Kamanamanda, Tune System, ya yeah, yao, yeah. Version Ragap, mon pote. Ya. Yeah. Chaque jour que Dieu fait, je me lève et je freestyle. M'installe à vos tables, déjà minot, j'étais un gamin, un star, pas vénard. Ok, écoute ça, ça fait. J'enlève le méca, puis j'en sors le méca, yeah. J'rappe pour mes calcinés et le méca, yeah. Dans la méca, bin, y'a pas de méca, stafiant. J'connais mes catastrophes et j'méca, oh. Mécano, stylo, réparateur de flow, méca, misolé de forge, méca, bureau son. J'ai un méca, coquin, MC, tenu méca, mouflage pour ma mécaligraphie. J'mets la méca goule et une méca touche dans le méca libre pour un monde libre. J'ai pas de méca libre, c'est tout, mécalculé en mode méca méléon, je suis mes capitaines. Y'a, yeah. 4 mètres, mes caractères, méca pour la bave des crapauds. J'dois embrasser ma mécarrière, j'ai les mécapacités pour mettre méca pour MC, mes cardiaques, mécapitulé. J'ai le flow, méca danser, regagner vos mécardiers. J'ai tous mes quadrillés, même le micro et mécadas. Je suis un mec carnassier, chicoissier, mais mes qualifiés de MC camé à l'arrivée au cannabis. Je rappe pas pour caler. Jette les capotes, je spin l'instru, je rappe pour le trip dans la cabine. Français, Rital, Porto, Saz, Yad, Bosniak, Polak et pour mes cabines. Les mecs algériens, marocains, tunisiens pour tout genre. Sors mes canines avec stem de ouf, je tourne la boule. Dans ma tête, c'est mes caboules. Indazonia. Hey yo, same rhythm, same rhythm. Alright, ici c'est Kamana. Check this out. Yes, rendez-vous le 21. T'as vu, Kamana, Ziggy, Omar, Perry. Aire, ça fait. Man is so blind, him can't find no salvation, cause he's losing his mind. God tell me, who will ever stop mankind from felling the tree they are living on? My man is ready to fight. My brainwashing will affect my mind. We keep me eyes open and me sharpen my knife. So me shall see what is wrong from right. Yeah, it is. All them soldiers are fighting for this is the game. Yes, I. Hey. Slavery was a crime to mankind, it was presented like a kind of history fact that had been told. Africa was a big and fatal that they organized and looting and divided the mind. All I understood was that you were the savior, and though you came with your evil as behavior. How many people died for your thirst of power? How many cells you took in the blood and fire? In the blood and fire. In the blood and fire. In the blood and fire. Check this out. Hey yo, cameraman, alongside Bumble from that tune, Irie. Yeah. Oh, oh, oh, oh, yeah. Ice, original bamboule. Yo, yo, c'est l'obstination, je reviens dans mon tête, quoi. Je continuerai jusqu'à ce que les plantes vocales destroyent. Je te dis, y'en a pas beaucoup qui sont à notre taille. Dans le radar infini, suffit de choquer des entrailles. Tu souffles, j'en ai bien trop dans mon poitrail. Tu sais, je pourrais tenir des heures sur ce style. Original bamboule, c'est l'obstination, yeah, yeah, yeah. Whoa. Hey, on fait le maximum d'impro et sur le tempo. Pas tout beau fixer à gars au top niveau. Maximum d'impro et sur le tempo. Écoute ce style, il est tout nouveau. Maximum d'impro et sur le tempo. Pas tout beau fixer à gars au top niveau. Maximum d'impro, maximum d'impro. Yeah, yeah, hey. On dit de moi, on ne cautionne pas ses choix. Il est facile de critiquer tout ce que tu vois. On dit de moi, il vit comme un fort instinct. Mais je ne veux pas vivre selon un dieu ou bien des lois. De venger les injustices du passé. Je ne vois pas comment j'ai fait la musique pour résister. Connexion permanente pour mettre le feu dans les soirées. Original City Youtuber. Maximum d'impro sur le tempo. Batou veut fixer un gars au top niveau. Maximum d'impro sur le tempo. Écoute ce style, il est tout nouveau. Maximum. Hey. Original City Youth. Go, go. Yeah, Thaibox, ok, ah, CD Youth Festival, le 21-22 avril, au Triomphe, au Fil. Tu me verras plus devant la Fnac avant des cartes postales que dans la Fnac, dans les bacs avant des disques compacts. Mon but prendre le beat sur le bitume avec ma plume le combat. Seul mauvais cul parle entre moi et la rue à contact. Celle-ci est pleine d'attaques dont je me dois de faire toujours les bons tacs. Et quand il y a un choc, j'évite de rester dans l'habitacle. Et si t'aimes pas mon rap, mec, je me dois te convaincre. Et si j'y arrive pas, frère, je m'occupe de ton crâne, c'est les vrais sables. Comme mon flow, je l'aiguise. Certains essayent de faire fort, de prendre ma mise. Il est vrai, je tape fort, frère, je te paralyse. Si dans mon dos tu me grattes, t'essayes de prendre ma mise. On est en désaccord, mais t'inquiète pas, je révise. J'arrive, je pète le score. Mais tout d'abord, je calise. C'est iBox au mic, tu reconnais la maîtrise. R pour prendre mon pote incognito, je t'allie. Hey, je vais pas te la prendre, la vie laisse des cicatrices. Certaines plaies sont ouvertes et d'autres sont invisibles. Celles qui touchent le cœur, la tête, celles qui font péter fusil. Un conseil, tu veux pas perdre, alors lâche jamais ta cible. Je vais pas te la prendre, la vie laisse des cicatrices. Certaines plaies sont ouvertes et d'autres sont invisibles. Celles qui touchent le cœur, la tête, celles qui font péter fusil. Un conseil, tu veux pas perdre, alors lâche jamais ta cible. Le ciel écrit dans ma ville, pourquoi passe la bac. Nous braquons, nous prenons pour l'ennemi public. Ils font usage des matraques, nos poches sont vides, hein. Mais ils viennent les palper, à croire qu'ils aiment ma bite autant que moi j'aime mon quartier. Le ciel écrit dans ma ville, pourquoi parce qu'il y a pas de taf. Découragé trop petit, on passe par la cardar. Le bis, aïe, City Youth Festival, ok, yeah. Ok then, ok là ici c'est MC Chromy. Toi-même tu sais ça, City Youth Reggae Festival. Avec l'homme que l'on nomme SVEC. Comme la tour de Babel, ces vampires finiront par tomber. Pense à quand ma dernière appel, Babylone veut boycotter mes refrains. Sur la musique je réponds à l'appel, c'est pas prêt de se terminer. Car ma ville ressemble à une poubelle. Hey, on parle de Mike, tu ne m'animes pas, je suis féroce comme le lion l'animal. Et ton flow à deux balles, on n'en veut plus remal, c'est des tonnes de balles. Et pull up ça, yeah. Ok, ça se passe sur Radio Dio. Toi-même tu sais ça, yeah. Hey, y'a les kicks au complet. C'est ok, Mecca, Chromy's The Thai Box, Bamboule, tout ça. Yeah, ok. Stiggity diggity dang, c'est Stiggity diggity dang, c'est hey, on l'aime, la musique, quand elle est belle. Wait, watch me, non, elle traîne dans ma tête et mes merveilles. Je ne suis amère, assasié d'elle. Elle me donne les vibes qu'il faut. Sa présence me permet d'aller plus loin, d'aller plus haut. Je la porte toujours avec moi, je la fais voler comme un oiseau. Ok, Zvek, qu'est-ce que tu leur racontes, mon ami Sin? Yes, Maxine, ok, spécial dédicace pour le City Youth Reggae Festival. Écoute ça, boom sound, give the microphone quand la musique résonne, quand les obstacles s'envolent. C'est boom sound, c'est que le son cartonne, boy, c'est une pure tune qui fera basse qui t'assomme. Boom sound, give the microphone pour que la musique résonne, pour que les obstacles s'envolent. C'est boom sound, c'est que le son cartonne, boy, c'est une pure tune. Écoute ça. J'adopte un nouveau stratagème. J'ai comme le mal de mer quand j'y pense. Quand j'entends la zik en France, il y a du fric. Mais où est le bénéfice si tu donnes à tes enfants un exemple mauvais? C'est pas que je condamne les MC, c'est pas la musique que j'ai testée, c'était plus les maisons de disques. T'as la grosse tête et c'est parti. Pense à l'époque où tes textes c'était pas que des effets de style. Bye bye bye, j'suis bien obligé de t'avouer. Quoi qu'il arrive, tu risques de te noyer si tu perds ta bouée. J't'ai percé à jour et toi tu veux m'amadouer. Hey, big up Radio Dio, écoute ça. Boom sound, give the microphone pour que la musique résonne, pour que les obstacles s'envolent. C'est boom sound, c'est que le son cartonne, boy, c'est une pure tune qui fera basse qui t'a something against City Youth. Pour que le son cartonne, pour que le son résonne, pour que le son cartonne. C'est City Youth, pour que le son cartonne, boy, c'est une pure tune qui fera basse qui t'a some. Hey, spécial big up à tous les massifs qui seront là au City Youth. Hey, ok, Tim, qu'est-ce que tu balances? Tune, yes, entre dans le son. Tu testes, mais qu'est-ce que tu viens poser là? Boy, la bonne technique reste là. Te platine pas, la son face pour les massives et les fighters. Tune, yes, entre dans le son. Tu testes, mais qu'est-ce que tu viens poser là? Boy, la bonne technique reste là. Te platine pas, la son face, Mr. Bamboule. Quelque part, à la croisée de tous les chemins, ils s'en emparent. Notre liberté et son lendemain. Si on regarde, que laisserons-nous pour tous nos gamins? Ragamuffin comme arme de poing. Ma vie s'enlise petit à petit. On dit que c'est la crise, mon analyse ne fait pas envie. C'est le truc que je vise, tu sors ton gun quand y'a un souci. Dis-moi ce qu'a ce bise, ils emprisonnent tous nos frères. Mais qu'est-ce que tu viens poser là? Boy, la bonne technique reste là. De platine bad, un son fat pour les massives et les fighters. Tatoune, yes, entre dans le son. Tu testes, mais qu'est-ce que tu viens poser là? Boy, la bonne technique reste là. De platine bad, un son fat. Yeah. Je ne veux pas que ma vie privée soit contrôlée par l'État. Je te parle des caméras qui te filment sans crier gare. Je sais bien que dans certains pays c'est déjà le cas. Mais tu touches à mon lieu dit et là c'est sûr y aura bagarre. Je te parle d'un truc tu peux pas dire que tu connais pas. C'est facile de fermer les yeux quand on ne veut pas d'histoire. La police c'est bavure comme si ça ne suffisait pas. Comme il est temps de changer les choses. Alright, quand son boy sacrifie tout à maille, même t'as mis pas ouais, son boy t'es mal parti. La lobe t'a pas enrichi. Je ne crois pas que tu brûles comme ça toute ta famille, mais c'est quand son boy sacrifie tout à maille, même t'as mis pas. Eh mec, qu'est-ce que tu dis? La lobe t'a. Eh, SVE, bra. Yo, roule à ton cas, c'est du son cas, c'est du son qualité. J'pète le quota, j'pète le quota. Yo, roule à ton cas, c'est du son cas, c'est du son qualité. Pas de tocard. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo, ok, ok. Version agape, mon pote. Rendez-vous le 22 avril, City Youth. Hey, tout le monde est là, mon côté viva. À ce qui paraît, danse pas mon essentiel et le paraître. Et tu ne pas être ma question auquel je réponds, ya. C'est un nouveau départ, ni coton rêve, ni fallait. Il fallait que je fasse une pause et que j'arpente les vallées. Avec les potos, je rappe depuis des années, de plus en plus ordonné. Saleté mes coordonnées, mon rap peut être hardcore et coordonné. Indépendant 100%, on a donné et donné. Suivi l'exemple des pionniers. Avant d'ouvrir ma bouche, ma langue, j'ai appris à la tourner. Mes mélodies, je les ai fredonnées. Ce n'est pas le hip pop qui m'a appris à frauder, à broder. J'ai brodé des nappes de piano et broché sur ce qui tourne par où pour plus tomber dans ce panneau, ya. Selon un astro, ce monde est nastro. On n'est pas né sous la bonne étoile ni sous le bon signe astrologique. Y'a plus de logique, trop peu de rack à authentique. C'est clôt, y'a plus de cogite. Ça c'est une rime basique, ya. J'n'ai pas de buvard, j'suis pas né pour que tu te marres comme Philippe Bouvard. J'n'ai pas la grosse tête, tu me croiseras Radio Dio. Il se peut que j'te paye une bière, j'suis pas le genre à voir. J'écris, j'rature pas un trait du rap, je suis le pilier. Mon encre est trempée dans le verre pilé. Pas prêt de piler, ni de participer à un défilé de mode hip-hop fillettes qui viennent piller. J'ai hissé mon drapeau sur champ de colère. La baffe des crapauds n'atteint pas, sauf si c'est des collègues. On fait tourner la boulette, synthé c'est la rouille. Y'a que l'odeur parfum des toilettes quand les patrouilles grouillent. Fouille, te pousse à bout, demande au full fire. Si cette milice aime nos bouilles, interroge Thaibox. Toutes les couilles qu'il a eu à coincer dans la rue. J'en ai vu des bavures, des discriminés pour sa tête d'arabe. Demande à son frère s'il aime l'État et ses stars. Si Akab est un slogan des ultras dans le monde, c'est qu'on a vu la répression nous couvrir de honte. Militons, luttons, butons le butin. Ouvriers, montrez votre mécontentement, putain. Ils nous volent tout, on se contente de rien sous cette patrie de chien. Mes parents sont partis de rien. On n'est pas riche mais bien, on suit le rythme en plein. Un sale rythme de vie, un quotidien d'argos. Serre noir, silo noir, feuille blanche qui devient noire. Plus d'encre dans le réservoir, demande à City Youth, notamment à Tony. Combien de concessions il fait pour que voyage de lyrics. Hey, MECA, ya ya ya ya, Thaibox enchaîne. Certains se croient dans le désert, jouent les Mad Max. Alors survie du misère, dans leur Air Max. Oublie pas que c'est la misère, que l'État nous taxe. Et que dans ce biche je vais tout faire pour gagner à max. Écarter les huissiers, coller à mes basques. Sans écarter les cuissés, ma fierté au max. Pour mettre bien ma femme, lui construire un palace. Sans oublier d'inscrire ma fille pour qu'elle saute des classes. Pour qu'elle ait la classe, donc impossible pour moi de faire du surplace. Donc chaque jour que je vais, dans un coin d'ombre, j'y laisse une trace. Mon but voir la lumière et qu'il m'accorde sa grâce. Pour ça, je m'éloigne des faux frères qui me font des coups de grâce. J'évite même les matraques qu'on fait et les coups de crosse. T'en fais pas mon frère, c'est moi qui mettrai le coup de grâce. Dans ma vie j'ai plein de trucs à faire avant qu'un membre glace. Encore un 16 bien viscère, donc dis pas que j'ai pas ma place. Rap de test, pose pas de questions, j'tape pas dans la cesse. Dans le rap on veut tous une place dans le Guinness. Tu sais c'est qui là, t'en pas la caisse. Dans le rap j'arrache le beat et le beat pour les petits Guinness. Rap de test, c'est la hesse, ça pense qu'au tiroir caisse. Pour certains c'est rien qu'un texte, pour d'autres c'est bien plus complexe. Dans le rap j'suis parti du fond, j'arrive à toute vitesse. Tais-toi, écoute juste mes phrases, elles te remettent dans le contexte. T'as pas compris que l'être humain n'est que de passage. On crève la gueule ouverte, on lance un appel au décrassage. Nos rêves nous font vivre, mais difficile de vivre nos rêves. Traînés à la base par leur délit de faciès, on peine. Travaillons secrète pour vous donner le meilleur. Nous-mêmes, on fait surface, malgré tous ceux qui veulent nous haïr. Difficile de miser quand sur un coup tu peux tout perdre. Mais nous on se bat avec les jaloux, à se faire mettre un. Optimiser c'est le mot d'ordre, au fond on n'est pas à plaindre. Quand tu sais qu'à deux heures d'avion tes vies s'éteignent sous les pompes. Ils nous prennent pour des cons, non, nos vies sont pas belles à peindre. Crois pas que ton seul espoir est celui de finir dans une tombe. Je monte 7, je je n'ai pas de parti. Tu continues de faire ta vie comme si tout était écrit. Ça se passe derrière des platines. Répondre quand on nous baisse, pas baisser la tête et perdre notre estime. Et pour prouver que toute action est utile, je donne dans les sound systems ma conception du style. Puis ma politique se cale net sur l'instrumental. Même si mon mental préfère parfois que je joue les débiles. Y'a pas de progrès sans en parler. Y'aura pas de bien, pas de changement, pas d'impunité pour tes sentiments. Alors pourquoi tu mens? Pourquoi tu veux pas dire à tout le monde ce que tu penses vraiment? Pour trop de gens, il faut fermer sa gueule. Sinon ton petit confort va disparaître. Et ça c'est bien fait pour ta gueule. Bagatelle, écoute le qui râle. Et tous ces râles-bols qui se perdent sur le freestyle. Mais mon esprit et mon âme, ils ne l'auront jamais. Et l'avenir, seul Dieu l'unique le connaît. Le soleil brille, y'a des gens qui ne sont pas satisfaits. Le feu sur Babylone, ah ouais, ça y est, ça c'est fait. Regarde cette larme qui coule le long de ton visage. Regarde cette arme qui malgré toutes les visages. Beaucoup trop d'âmes, check avec le macadam. Hey, freestyle en direct de Radio Joe Freestyle. Hey, ok. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hey, yeah. C'est Chromy qui dit ça, hey, si l'homme posait moins de bombes, y aurait la paix sur terre. Donc souviens-toi qu'on est tout petit face à l'univers, yeah. Faites attention, messieurs les seigneurs de guerre. Quoi qu'il arrive, on retournera poussière, hey, yeah. Si l'homme posait moins de bombes, y aurait la paix sur terre. Donc souviens-toi qu'on est tout petit face à l'univers, yes. Faites attention, messieurs les seigneurs de guerre. SVE, dis-nous ça, sting-ding-ding-ding. Tant homme dead boy, mais la situation s'aggrave et nos vies. Le gouvernement s'en charge et tout est. Amis rêvent de braquer, de faire sonner le métal. Tu peux trouver des dizaines de raisons de balancer tes rafales. Note bien, la France vend les armes. Participe au conflit sans dépenser ses hommes. Si tu cautionnes, tu ne pourras pas racheter ton âme. Tant que les peuples tentent de ne pas s'effacer ce qu'ils gomment. L'Afrique est une mine d'or pour ceux qui fabriquent des missiles. Ils entretiennent les conflits, en fin de compte ce n'est pas difficile. De l'autre côté c'est pareil, et les tyrans aiment l'argent facile. Ce n'est pas sur les champs de bataille qu'ils discutent et négocient leur deal. Mais tout le monde s'en tape, pourtant on a des preuves. Dans tous les cas, la m'a subi une mise à l'épreuve. Levez-vous, hey. Ceux qui le peuvent, hey, hey. Écoute ça, Chromy, okay. Yeah. Une chaune pour les ragamuffins soldats. Une chaune pour tous ceux qui partent au combat. Une chaune pour les mélomanes. Ceux qui fouillent dans les bacs à disques. Ceux qui kiffent et ne les mordent pas. Une chaune pour les ragamuffins soldats. Une chaune pour tous ceux qui partent au combat. Une chaune pour les mélomanes. Ceux qui fouillent dans les bacs à disques. Ceux qui kiffent, yes I. On prend le mic vu que tu le manies, manaman. Je suis féroce comme le lion, l'animal. Et ton flow à deux balles. On en veut plus remballer. C'est des tonnes de balles. Et des tonnes de balles qu'on envoie sur le manaman. Écoute ça. On prend le mic, les gars et les gobos. Sur la musique avec le bon zéro. Stiggy-diggy-dang, hey, Chromy, c'est mon blast coup de tête dans ton blast plus. Un coup de tasse, attends ta kamikaze, attention dans la case. On ne prend pas de tasse, le micro pour tes cases. Well, MC à la base devenu kamikaze. Man, t'es ma méfa sous le pas de la base, ça tue la menace. Stiggy-diggy-dang, come on, a chill as soon as I lost it, my mind began to weak. I couldn't see no sunshine, only darkness in me. Out of my perceptions, we're mixed up. Prisoner in a house of exile. I was stuck in vain. Stuck in the middle of a no man's land. No place to be found, no one else around. Blinded by the darkness, couldn't find your freedom. I'm begging you to hear my call. I'm begging you to take my soul. Please don't leave me all alone, cause I wanna go back home. Hey, on est indépendants, combattants, militants. On fait de la musique par tous les temps. Oui, Babylone, on te rentre dedans. Stiggy diggy dang, on est indépendants, combattants, militants. On fait de la musique par tous les temps. Yeah, yeah, yeah. Les gens l'écoutent le matin, le midi et même le soir. Elle te donne de la joie, elle est même mélancolique. Tu sais, mon ami, elle reflète l'espoir. Je viens dire ça en direct sur Radio Joe, parce que j'ai de l'espoir. Comme un amane et Chromy viennent ambiancer la version. Y'a Mecca, y'a Thaibox pour ambiancer la version. City Youth Reggae Festival, on est en action. Stiggy-diggy-dang, écoute bien notre putain de son. Si l'homme posait moins de bombes, y'aurait la paix sur terre. Donc souviens-toi et pull up ça, mon ami Sin. Ok. City Youth en vivant et en direct. Aïe, version ragam, toujours en direct de Radio Joe. Yeah, 22 avril, 21 avril, City Youth Festival. Hey. Pour le moment, c'est à la ZOB. À la ZOB. Écoute, yo. J'envoie le truc à la ZOB, c'est dans ma zone, ça sent l'azote. J'ai Radio Joe pour une dazone à la ZOB. Pour les frères qui sautent à l'ombre à la zone. J'compose à la zone mère, où l'inspar de bon spar de Saint-Thé à Bespar. K2, pour que ça tourne pur en danse globe. K2, pour que ça transperce tes lobes. J'm'avance sur le sujet, vite les lobes, prends les chicanes comme lobes à la ZOB. c'est leur album des mots. Difficile d'y pénétrer, plus facile de se faire séquestrer. C'est toujours le match, je vais te castrer, révolter comme Fidel Castro. Je ronge le pic comme un castor, porte le doublon comme Casper à la somme. Trop de casse-pied qui m'exaspère. Difficile d'y pénétrer, plus facile de se faire séquestrer. Si tu joues le match, je vais te castrer, révolter comme Fidel Castro. Ouh, ça débite, ça débite. Explique-le. Sûr de rien, et pourtant j'avance quand même. Obligé de me battre parce que la vie vaut le coup d'être vécu. Oublie pas quand t'es dans la merde, ton meilleur ami reste le PQ. On se bat pour un terrain, sûr de rien. Fallait peut-être pas que je mette l'hypercute. Sûr d'une chose, tu tends l'oreille, c'est sur mon flot de percute. Sûr de rien, le genre de mec qui cherche l'aiguille dans la boîte de foin. Comment être sûr qu'on est vraiment sur le bon chemin? Remise en question quotidienne. Moi je vais encore putain, Thai Box a encore fait des siennes. Sur scène ou au carrefour, c'est la même. Sûr de moi, normal, faut bien remplir la gamelle. T'es sûr de toi, Thai? Nous, on prend le micro, on brise les côtes. La même équipe, et pure prod, on te met aux côtes. On fuck les cops de l'île à la côte, on chie sur la côte. Mais car allume le spliff, qu'on garde le contrôle, c'est. On est certain que ce sera la bonne bombe dans la bonne zone, que de la bonne vibe et des bonhommes. Air pur des pôles, artillerie lourde, multiculture sur les ondes. Papa les gagne à la ceinture en somme. On est certain que ce sera la bonne bombe dans la bonne zone, que de la bonne vibe et des bonhommes. Air pur des pôles, artillerie lourde, multiculture sur les ondes. Papa les gagne à la ceinture en somme. Oh! J'aurais pu me laisser la version, man. On est certain que ce sera la bonne bande dans la bonne zone, que de la bonne vibe et des bonhommes. Air pour des poils, artillerie lourde, multiculture sur les ondes. Porte pas les gaines à la ceinture au somme. On est certain que ce sera la bonne bande dans la bonne zone, que de la bonne vibe et des bonhommes. Air pur des poils, artillerie lourde. Porte pas les gaines, monte le gain, pas la dégaine du gangsta. J'vis à la one again, fume la weed comme un rasta. Trace ma route sur de rien, mais j'fais tout pour en laisser à son chien, son huss. J'donnerai plus que ce que ces chiens laissent. Sûr de qui sont les bestes, s'il te plaît, non, ne me teste pas. Si nos voix font leur effet, c'est comique ça, j'en mets presque pas. L'avenir est crade, le destin est m'écras. Sûr que les révoltés ont marche, vont tout faire partir en éclats. Si t'es pas sûr avant de l'ouvrir, mec, écrase mes phases, casse, décasse la base d'un rap de classe. Les choix futurs ou pas, si la plupart sont imparfaits, ça c'est les erreurs à ne pas refaire. On marque d'une société déclassée, déclamer des pages, des crânes et des faves, il faut que nos choix se fassent. Ok. Le devoir nous appelle, alors je me donne la peine de prendre ma plume. Ça se passe entre elle et moi sur ma feuille blanche, balance ma rancune. Une fois de plus, Thai Box, mes cas, mettre les pendules à l'heure. MC cherche pas d'excuses dans le rap, c'est toi là, tu meurs. On rap, tu meurs, on bosse, tu dors, on roule pas, on meurt. Mais sur nos torses, on porte la médaille d'or depuis la première heure. Air pur, c'est notre label, le rap, c'est notre labeur. On répond à l'appel, y'a que Dieu qui nous fait peur. De mec, du trait, tu serais 4-2, c'est notre secteur. Le rap, on lui donne à bouffer, la preuve, on chie un texte par heure. Le beat, c'est mon pouls, s'arrête mort clic. Sur les ripoux, ils viendront pleurer sur ma tombe, c'est tout. Nouveau scrutin, on brûle les tours, pas besoin de six coups. J't'invite dans nos psychoses, pas besoin de picous. C'est le bico et le bap tout, alors écoute, couse. Toujours pour paix, pour cacher un douce. Dans le rap, j'le pousse tous. Y'a que des promesses pas tenues. Manipulé depuis la naissance, on savoura pas vaincu. Des promesses, des paroles enlèvent. Ma jeunesse progresse pour contrer ses adversaires. Y'a que des promesses pas tenues. Manipulé depuis la naissance, on savoura pas vaincu. Des promesses, des paroles enlèvent. Ma jeunesse progresse pour contrer ses adversaires. Radio Dio. Hey, ok, pull up, sa paps. Yeah. Ra. Hey. Et ça, c'est un morceau, c'est Chromie Dachoun, Stiggy Diggy Deng. Il s'appelle Supportons le Mouvement. Hey. Ok. Il va pas toutes les associations. Yeah. The Chromie Bamboul, c'est. Hey. Reggae Music. Supportons le Mouvement. Ok. Yes, spécial dédicace. City Youth, hey. Radio Dio, Original Chromie. Tous les MC dans le studio. Reggae music, supportons le mouvement pour tous les artistes, toujours indépendants. Promis d'Atoun sont activistes. Ouais, nous prenons le temps de développer la réflexion afin de renforcer nos rangs. Reggae music, supportons le mouvement pour tous les artistes. Toujours indépendant, promis d'Atoun sont activistes. Ouais, nous prenons le temps à Radio Joe de t'expliquer ça calmement, c'est bon. La connexion se fait à Saint-Dé 42 000, c'est le matricule. D'Atoun puis Chromie, on trait ça bien et sans scrupule. On t'apporte une big tune qui vient big up toutes les associations, toutes les organisations qui passent à l'action. Définition, tous ceux qui font la différence entre musique et pognon. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui crachent du poison. Merci à toi les massifs, c'est des places qui donnent des bonnes vibrations. On se doit aussi de vous big up Piston, y'a des contacts qui viennent censurer le reggae music et préfèrent passer sur les radios de la mer, ceux qu'ils appellent des hits. Sache que même le reggae devient un business. Yeah! Radio Dio, diggity diggity dang. Reggae music à supportant le mouvement pour tous les artistes, toujours indépendants. Chromie d'Atoun sont activistes, oui, nous prenons le temps de développer la réflexion afin de renforcer nos rangs. Reggae music supportant le mouvement pour tous les artistes, toujours indépendants. Sont activistes, oui, nous prenons le temps de développer la réflexion afin de renforcer nos rangs. Je ne savais pas quel chemin emprunter quand j'ai découvert la musique qui m'a sauvé. Et je ne pensais pas que ma vie allait changer, mais c'est en chantant que j'y trouve ma réalité. Tout autour de moi me rappelle que la zik c'est pur. Quelle est ton armure, ton âme à la ceinture? Quand je vois le people qui s'implique, qui assure, je me fais porte-parole, le combat est à ma mesure. Big up à toutes les assos qui ne lâcheront jamais l'affaire, qui porteront toujours fièrement le rouge, le jaune et le vert. Y'a toujours des gars sur qui tu peux compter si le combat dégénère. Ils porteront toujours fièrement le rouge, le jaune et le vert. Alors on tourne tant que possible, tant qu'on tiendra debout, on ne sera jamais docile. C'est que tout est possible. Reggae music supportant le mouvement pour tous les artistes, toujours indépendants. Chromie d'Atoun sont activistes, oui, nous prenons le temps de développer la réflexion. Reggae music supportant le mouvement pour tous les artistes, toujours indépendants. Chromie d'Atoun sont activistes, oui, nous prenons le temps de Big Up Atoun, hey. Big Up City Youth Festival 21-22 avril 2011. Alright, this one is special, Kavana. Alongside Bumble from that tune. Brotherhood style. Hey, pull moi ça, man. Dimitri, pull moi ça, man. Yes, boys. Aha. Hey. Original CJ Youth Festival bientôt. We're living in a world of atrocity. We're living in a world of hypocrisy. We're living in a world of atrocity. Tell me, how can you find you where you're doing this a jungle, this concrete jungle? You got to fight. You weigh it too, but what if you don't want to struggle? Living in a world of hypocrisy. We're living in a world of atrocity. We're living in a world of hypocrisy. Yeah. Living in a world of atrocity. Yow, yow, yow, yow. Tu dis que pour être un homme il faut être calibré. Moi je dis que c'est pas ton gang qui pourra te créditer. Tu dis que la vie est un coup de feu bien porté. Je te réponds que t'es un cible. Quel est ton but? Que veux-tu prouver? T'as passé l'âge de faire le gros dans toutes les soirées. T'as pas compris, tu vises à côté. Vas-y pose ton gun, tu vas te blesser. Pas besoin de faire le bandit. Je ne suis pas armé et je fais face à ma vie. Je cherche l'harmonie. Difficile à trouver. Difficile à trouver. Living in a world of hypocrisy. We living in a world of atrocity. Oh, we living in a world of hypocrisy. We living in a world of atrocity. The powers in the hand of them politics. I mean, no, say politics, no. You can't find no job, cause you ain't got no home. And you can't find no home, cause you ain't got no job at all. Yeah, that's what life is all about. Only actions of contradiction. Yeah, that's what life is all about. We're living in a world of hypocrisy. We're living in a world of atrocity. Ooh, we're got yourself in your place. But bum bum bum, you become homeless. Competition is a risky business. No time to take a rest. Take a rest, because you're feeling no praises. Take a rest, because you're feeling no praises. Living in a world of hypocrisy. We're living in a world of atrocity. We're living in a world of hypocrisy. We're living in a world of atrocity. All right, come and I say. Yeah. Uh-huh. Festival toujours. J'espère que les massifs sont à l'écoute. Oh, hey. Tranquille, il y aura des hommes pour tuer des hommes sans âme ni aura. Oh, oh, hey. Nous défendrons la justice, pas de paix, trop de peine, trop de politique strict, donc tu sauras. Tranquille, il y aura des gouvernements pour entraîner des enfants soldats. Oh, oh, hey. Nous demanderons l'armistice sans condition, sans artifice. Pour ceux qui vont suivre nos pas, hey. Place, laissez passer, c'est les tabac, le ghetto fight. Quand il n'y a pas de place, c'est pas la fin des temps. Nos idées ne sont pas des fantasmes, on les défend de notre sens. Place, laissez passer le city youth, les ghetto fighters. Quand il n'y a pas de place, c'est pas la fin des temps. Nos idées ne sont pas des fantasmes, on les défend à 100%. So, tant qu'il y aura des hommes pour tuer des hommes sans âme ni aura. Oh oh, yeah. Nous demanderons la justice, pas de paix, trop de peine, trop de politique street. Donc tu sauras. Tant qu'il y aura des gouvernements pour entraîner des enfants soldats. Oh oh, yeah. Nous demanderons l'armistice sans conditions, sans artifice. On revendique tout le temps la réflexion, mon ami, dans nos messages. Et si Babylone veut nous stopper, qu'il prépare une cage. As-tu oublié que le lion dans la brousse était très sauvage? Je défendrai ma poésie, man. Hey, le microphone et la voix, man. Voilà ce qui est mon arme. Je te remercie, tu la promotion, elle résonne dans les savanes. Ceux qui la détruisent n'échappent pas à des attaques, les récales dans leur crâne. Oh yeah! Je ne suis jamais rassasié d'elle. Elle me donne les vibes qu'il faut. Sa présence me permet d'aller plus loin, d'aller plus haut. Je l'emporte toujours avec moi. Je la fais voler comme un oiseau. Y'a pas de soucis entre elle et moi. On est réglo. Hey. Elle est bien caressée, mes oreilles et prend possession de mon corps. Elle est de plus en plus belle. Si tu l'écoutes avec ton cœur, sans le moyen, il faut que tu comprennes qu'elle vaut plus que de l'or. Qu'elle m'a légué des ailes et je m'y retrouve dans ce bonheur. Comme la tour de Babel, ses vampires finiront par tomber. Prends ça comme un dernier rappel. Babylone veut boycott mes refrains. Sur la musique, je réponds à l'appel, c'est pas près de se terminer. Hey. Original Radio Joe. Right. Hey, on la fait toujours en version grave parce qu'on est malade, comme tu peux le voir. Diggity diggity ding dong, diggity diggity ding dong. Hey, hey, hey, hey, hey. Prends le mic, vu comme tu es l'animal, man. Je suis féroce comme le lion, l'animal. Et ton flow à deux balles, on n'en peut plus remballe. C'est des tonnes de balles, et des tonnes de balles. J'en vois sur le man, man, man. Écoute ça, quand on prend le man, man, mic, vu que tu l'as, man, man, man, man. Yeah, yeah. Stiggy, diggy, diggy, diggy, ding. Et non, man, original, air pur, calme de vibe, tu sais ça. Comme la tour de Babel, c'est vampire. Hey. Right. Stiggy, diggy, ding, ding. Hey, hey. Oh, oh, yeah. Hey, hey. Oh, oh, yeah. Well. Mais mon esprit et mon âme, ils ne l'auront jamais. Et l'avenir, seul Dieu l'unique le connaît. Le soleil brille, y'a des gens qui ne sont pas satisfaits. Le feu sur Babylone, ah ouais, ça y est, ça c'est fait. Regarde cette larme qui coule le long de son visage. Regarde cette arme qui malgré tout des visages. Beaucoup trop d'âmes, check avec le macadam. Hey, stiggy diggy ding ding ding. Mon l'allonge, le malalalalala like. Malalalad, sur les olololololon. Sabota lalalala, j'radical alalala. L'affaire nalalalala. Hey, malalalalala, les femelles. Génération nou nou nou nou nou nou nou nouvelle. Malalalala, les femelles. Génération version non nouvelle. Ça se passe à Radio Dio et Thai Box Chromi sont présents sur le micro et à Radio Dio. Y'a Bamboul aussi, y'a Mekayasbe, tu l'as capté poteau. C'est guédé-dé-dé-dé-dengue, on a pris le mic d'assaut. Moi je m'en bats les yeux couilles, j'ai pas besoin de stylo. Hey, tu sais bien mon ami, j'ai un cerveau, je fais de la musique donc je place mes mots bien haut. Hey, Air Pure, tu crois qu'on déconne? Non mais tu fais quoi? Embrouille Babylone et Air Pure, tu crois qu'on déconne? Et Welden, y'a des tâches, y'a des tâches, y'a trop de tâches au microphone, on les efface, on les élimine. C'est guédé-dé-dé-dé-dengue, y'a des tâches au microphone. Thai Box, qu'est-ce que t'en penses mon ami? Welden, comme un acteur de Babel, c'est vampire, ils finiront par tomber. Prends ça comme un dernier rappel, Babylone veut boycotter mes refrains. Sans la musique, je réponds pas d'appel, c'est vrai. J'arrive, prends le pari, ça va faire mal. Comme mon poing de la chatte à marine. Aïe, j'ai la dalle, du bois, je vais tout railler. Putain pour ça, les gamines, s'il te plaît, va te rhabiller. Je pédite comme j'écrase mon spliff dans cendrier. Victimise tes oreilles, pas besoin de te faire prier, se plier. Rap de guerrier, fils d'immigré, fier de l'être. Je rentre pas dans vos critères, alors je n'écris y'a que ça qui reste. Déçu de la vie, je me bats encore, mais à quel prix? Besoin de cette force, que me donne le sourire. Ma fille, parce que nos rues sont grises, et très loin de nous embellir. Les keufs contrôlent l'abus, et limite tous nos délires. Alors au fond, c'est quoi le but? Mourir au front, face à l'état. Tous ces fils de pute, mourir au front, alors je me bats, je lutte. Mourir au front, on y passera tous. Moi j'attends l'heure avec le sourire, nous on les baisera tous. Le ciel est gris, et dans ma vie je n'ai pas trouvé la guérille. Pourtant je cogne pour la gagne, je n'ai reçu que la grille. Le ciel est bas, si bas, que je prends des décharges émotives sans motif. C'est le ciel qui signe, qui tend les bras, dans les hauts et bas. La vie me fout droit, ma cogite s'endort sous ses draps. Trop d'affaires à décortiquer, je prends des crises urticaires. Dans cette oh. Qui sèche, les mains moites, le creux de la paume qui se prosterne devant la classe. Et les paumes d'année. Je me rappelle pas de la suite alors. Oh, hey, écoute, Dieu, change la version, pas. Envoie le sien. Écoute, City Youth. Écoute, quand tu poses ton stylo, ça fait. Petit moment d'impro pour m'amène Moko. T'inquiète, t'as capté au MIC, c'est MECA. Hey, qu'est-ce qu'il y a? On arrive fou droit, quoi? Oui, tu sais que la vie m'a mis plus bac bas. Alors s'il te plaît, fais pas l'enfant babard, s'il te plaît. Moi je reviens avec un flot de bagarre. Ouais, rose du béton, ouais, on est béton, des frères en béton. Et t'inquiète, on est là, tonton. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Y'a du sky, non, c'est de la pinche. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon groupe, pas de pH? Hey, y'a aussi ma main d'Atune, ma main Kalala, hello, Mimi. Qu'est-ce qu'il y a? On fout droit, hey, gros, excuse-moi si je l'ai bafoué. Yeah. T'inquiète pas, tu sais que ton flow, je vais pas le bafouer. Non, je suis plutôt là pour représenter sous le même label Air Pur. Toi, tu sais, c'est ouais. L'amitié. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je débarque sans pitié. Thai Box a envie d'enchaîner, mais je peux pas m'arrêter. Alors, s'il te plaît, reviens poser. Pas besoin d'être en soirée pour improviser. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours ces bâtards dans mon viseur. Qu'est-ce qu'il y a? Je représente mon frère et pas ma soeur, car j'en ai pas. Moi, c'est mes cas. Rendez-vous le 20 au City Youth, mon gars. Oh. Tonton. Yeah. Ok, ça fait mal mon pote. Yeah. Ça fait mal, comprendre une claque par daron. Ma de voir mes frères se faire dessouder pour le marron. Mal, comme ce gosse qui voit la vie au milieu des bombes. Est-ce qu'il sait pas, hein? C'est qu'elle va durer quelques secondes, j'pars sa vie. Mais pas de la guerre qui a causé sa mort. Tu crois qu'il a demandé à être accusé à tort? C'est quoi ce délire? Quand quelqu'un meurt, tu demandes pourquoi, on te répond c'est la vie. Dis-moi pas que c'est pas n'importe quoi, ça fait mal. Comprendre une barre dans les dents, comme un casse dans les dents, comme quand je casse dans les dents, ça fait mal. Ça fait mal. Quand on s'accroche à la bouteille alors qu'on sait ce qu'on veut, c'est pas de l'alcool mais de l'oseille. Next. Next. Next. Next. Tous les massifs au rendez-vous. C'est 21, 22 avril, City Youth Reggae Festival. Blah. Hey. C'est pas comme si c'est là. Ouais, c'est pas l'heure. Next. Ah non, c'est fini. Arrête. Hey, Montoni. Il est où, Montoni? Bon, City Youth.